delivered. Comment ils sont délivrés? But I am asking, mais je demande, when it's all said and done, quand tout est dit et fait, are you in field? Êtes-vous rempli? One of the main objectives to come here. Un des objectifs principaux pour venir ici, most important objective, l'objectif le plus important, is that you may long, c'est que vous puissiez aspirer que en ce jour où vous venez à un rassemblement de repentance, the God Almighty, le Dieu Tout-Puissant may infill you with the Holy Spirit, puisse vous remplir du Saint-Esprit. Because time is over, parce que le temps est passé. And yet you are aware, et maintenant, vous êtes au courant des conséquences de manquer l'enlèvement. I saw him. Je l'ai vu. He was devouring the saints. Il dévorait les saints. The Bible says, la Bible dit, will be beheaded. Seront décapités. Put your neck down here. Mettez votre cou là. Somebody take an axe. Quelqu'un prend une hache. And behead you. Et vous décapite. What a horrendous scene. Quelle horrible scène. Today, as the church is, aujourd'hui, telle que l'Église est, the Holy Spirit is available. Le Saint-Esprit est à disposition. He visits this meeting, thank the Lord. Il visite ce rassemblement, merci Seigneur. But after rapture, mais après l'enlèvement, not only the church is taken away, ça n'est pas seulement l'Église qui est prise, but also the Spirit of the Lord, mais aussi le Saint-Esprit du Seigneur. If now, si maintenant, your levels of tolerance are low, vos niveaux de tolérance sont bas, if now, si maintenant, your levels of tolerance to suffering is very low, vos niveaux de tolérance pour souffrir sont très bas, extremely low in the church, très bas dans l'Église, right now, juste maintenant, when the Holy Spirit is here, quand le Saint-Esprit est là, how about then, qu'en sera-t-il ensuite, when the Spirit of grace will have been taken away, quand l'Esprit de la grâce sera enlevé? Do you understand? Est-ce que vous comprenez? I know. Je sais. You enjoy coming to these meetings. Vous avez de la joie à venir à ces rassemblements. It is wonderful that you come. C'est merveilleux que vous veniez. But there is a second order challenge. Mais il y a un second ordre, un défi. There is a second order awakening on this hour. Il y a un second ordre, un réveil en cette heure. Have you ever longed? Avez-vous jamais aspiré that, Lord, que, Seigneur, when your servant will come to the altar, quand ton serviteur viendra à l'autel et qu'il appelle ton esprit pour qu'il visite le champ, Lord, Seigneur, for me, pour moi, I long to be in field, j'aspire à être rempli. Have you ever, avez-vous jamais, in Matthew chapter 3, dans Matthieu chapitre 3, it is the main foundation of the gospel. C'est une des fondations majeures de l'Évangile. He said, il a dit, I baptize you with water, je vous baptise d'eau, but he that comes after me, mais celui qui vient après moi, he will baptize you, il vous baptisera with the Holy Spirit, du Saint-Esprit and fire, et de feu. And fire. Et de feu. Listen to me. Écoutez-moi. He says, il dit, the fire, le feu, burns the chaff, brûle la paille. And that is why, et c'est pourquoi, the church, l'Église, you are the church, vous êtes l'Église. The church of Christ, l'Église de Christ, has been for a long time, a été pour longtemps confortable dans le péché. The infilling of the Holy Spirit, la plénitude du Saint-Esprit, brings with it, apporte avec lui, the fire of God, le feu de Dieu. That fire, ce feu, will burn the chaff in your life, va brûler la paille dans votre vie. You take the bread, vous prendrez le pain, let's say the wheat, disons le grain, into the mouth,